Section numéro 29 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section numéro 29. L'Immortel, par Alphonse Daudet. Chapitre 13. Priez pour le repos de l'âme de très haut et puissant seigneur et duc Charles-Henri François Padovani, prince d'Olmutz, ancien sénateur, ambassadeur et ministre, grand croix de la Légion d'honneur, décédé le 20 de ce mois de septembre 1880 en sa terre de Barbicalia où ses restes ont été déposés. Une messe à son intention sera dite dimanche prochain dans la chapelle du château. Vous êtes invités à y assister. Paul Astier, qui descendait de sa chambre pour le déjeuner de midi, eut un mouvement de joie, d'orgueil immense, en entendant cette proclamation singulière, promenée de Mousseau à Onzain sur les deux rives de la Loire par des employés de la maison Vafflard, porteurs de lourdes cloches qu'ils agitaient en marchant et de hauts chapeaux enguirlandés de crêpes noires jusqu'à terre. La nouvelle de la mort du duc, déjà ancienne de 4 jours, tombée à Mousseau comme un coup de fusil dans une compagnie de perdreaux, avait essaimé, dispersé à des plages, des villégiatures imprévues, tous les invités de la seconde série, obligés à la duchesse à partir brusquement pour la Corse, ne laissant au château que quelques intimes. Malgré tout, la mélancolie de ses voix, de ses cloches en marche que lui apportait le vent de la Loire par la fenêtre à croisillon de l'escalier, cette lettre de part déclamée d'une royale façon si peu moderne, donnait au fief de Mousseau un étonnant caractère de grandeur, faisait monter plus haut ses 4 tours et les cimes de ses arbres centenaires. Or, comme tout cela allait lui appartenir, que sa maîtresse en partant l'avait supplié de rester au château pour de graves déterminations à prendre au retour, cette déclamation funèbre lui semblait comme l'annonce de sa mise en possession prochaine. Priez pour le repos de l'âme. Enfin, il la tenait, la fortune. Et cette fois, il ne se laisserait pas dépouiller. Ancien sénateur, ambassadeur et ministre. Elles sont lugubres, ces cloches, n'est-ce pas, monsieur Paul ? Lui dit mademoiselle Moser, déjà à table entre son père et l'académicien Laniboire. La duchesse les avait gardées à Mousseau autant pour distraire la solitude de Paul Astier que pour donner un peu plus de repos et de bon air à la pauvre Antigone esclavagée par la candidature perpétuelle de son père. De celle-là, du moins, rien à craindre comme rivalité de femme, avec ses yeux de chien battu, ses cheveux incolores et l'unique préoccupation sollicitante et humiliée de ce fauteuil académique inaccessible. Ce matin, pourtant, elle s'était faite belle, plus soignée, une robe fraîche, ouverte en cœur. Ce qu'il montrait, ce cœur, semblait bien minable et maigrichon, mais enfin, à défaut de grive. Et la Niboire, mise en verve, la lutinait, disait des choses. Il ne les trouvait pas lugubres, lui, ces sonnailles de mort, ni les priait pour le repos s'espaçant dans le lointain. Au contraire, la vie lui semblait meilleure, par contraste. Le vin de Vouvray lui dorait dans les carafes, et ses grasses histoires détonnaient singulièrement dans la salle à manger trop vaste. Le candidat Moser, figure bouillie d'expression complaisante, riait d'un rire courtisan, bien qu'un peu gêné par sa fille. Mais le philosophe était une influence à l'académie. Le café pris, sur la terrasse, la Niboire, le teint carminé comme un apache, cria « Allons travailler, mademoiselle Moser. Je me sens en train, je crois que je vais finir mon rapport aujourd'hui. » La douce petite Moser, qui lui servait parfois de secrétaire, se leva un peu à regret. Par ce beau temps voilé des premières brumes de l'automne, elle eût préféré une grande promenade, ou peut-être continuer dans la galerie la conversation avec Monsieur Paul, si joli, si bien élevé, plutôt que d'écrire sous la dictée du père Laniboire l'éloge de vieille bonne dévouée ou d'infirmier modèle. Mais son père la pressait. « Va, va, ma fille, le maître t'appelle. » Elle obéit, monta derrière le philosophe, suivi du vieux Moser qui allait faire sa sieste. Qu'arriva-t-il alors? De quel drame fut témoin la chambre de la Niboire qui, s'il avait le nez de Pascal, n'en imitait pas la réserve? Au retour d'une longue course à travers bois pour apaiser ses impatiences ambitieuses, Paul Astier aperçut dans la cour d'honneur le break avancé au bas du grand escalier, ses 2 fortes bêtes piaffantes, et mademoiselle Moser déjà montée, assise au milieu des sacs de nuit, des mallettes, pendant que, sur le perron, Moser éperdu, sondant ses poches, distribuait des pourboires à 2 ou 3 valets de pied aux faces ricaneuse. Il s'approcha du break. « Vous nous quittez donc, mademoiselle ?» Elle lui tendit la main, une longue main glacée de sueur qu'elle oubliait de ganter, et, sans répondre, sans ôter de ses yeux le mouchoir qui les tamponnait sous la voilette, elle remuait la tête pour lui dire adieu en sanglotant. Il n'en apprit guère davantage du père Moser, qui bégayait tout bas, triste et furieux, une botte sur le marchepied. « C'est elle !» C'est elle qui veut partir. Elle dit qu'on lui a manqué, mais je ne peux pas croire. Et avec un profond soupir, sa grosse ride au milieu du front, la ride académique, creusée et rougie en coups de sabre. C'est un grand malheur pour mon élection. À dîner, Lannibois, restée tout l'après-midi dans sa chambre, dit en s'asseyant en face de Paul. Savez-vous pourquoi nos amis Moser nous ont quittés si brusquement? Non, cher maître. Et vous? Étrange, étrange. Il affectait le plus grand calme à cause du service, informé de l'aventure. Mais on le sentait troublé, anxieux, dans l'état d'esprit du vieux pailleur qui, sa fièvre tombée, n'a plus que l'angoisse des suites de sa turpitude. Peu à peu, il se rassura, se réconcilia avec l'existence qu'il ne pouvait bouder à table, finit par avouer à son jeune ami qu'il était peut-être allé un peu loin avec la chère enfant. Mais aussi, son père me la pousse, mon encombre. On a beau être rapporteur pour les prix de vertu. Bédame ! Il brandissait son petit verre d'un geste conquérant que l'autre arrêta net avec ce mot. Et la duchesse. Mademoiselle Moser avait dû lui écrire pour se plaindre, du moins expliquer son départ. Lannibois pâlissait. Croyez-vous ? Paul insista pour se débarrasser du sombre raseur. À défaut de la jeune fille, quelques dénonciations de domestique étaient à craindre. Et son petit nez fourbe s'agitant. À votre place, mon cher maître. Bah, laissez donc. J'en serai quitte pour une scène qui avancera mes affaires. Les femmes sont comme nous. Ça les monte, ces histoires-là. Il faisait le brave. Mais, la veille du retour de la duchesse, il prétexta les élections académique toute proche, l'humidité des soirs, mauvaise pour ses rhumatismes, et s'enfuit, emportant dans sa valise son rapport enfin terminé. Elle arriva pour la messe du dimanche, célébrée en grande pompe dans la chapelle Renaissance, à qui l'art multiple de Védrine avait su rendre ses admirables verrières et son retable d'autel miraculeusement sculpté. Une foule énorme des villages d'alentour, engoncée de hideuses redingotes, de longues blouses bleues vernissées, de coiffes blanches, de fichus raides d'empois sur des teintes de hall, emplissait la chapelle, débordait dans la cour d'honneur. Venu là non pour la cérémonie religieuse, ni pour l'hommage rendu à ce vieux duc, un inconnu dans le pays, mais pour le banquet en plein air, qui devait suivre la messe. Sur ces bancs et ces longues tables dressées des deux côtés de l'interminable avenue seigneuriale, où, l'office fini, 2 à 3 000 paysans purent facilement prendre place. Un peu gênés d'abord, impressionnés par tout ce service en deuil qui s'agitait, ces forestiers le crêpe à la casquette, ils parlaient à voix basse, dans l'ombre majestueuse des ormes. Puis, chauffé de vin, de victuailles, le repas funèbre s'anima, devint une immense frérie. Pour échapper à l'horreur de ces ripailles, la duchesse et Paul Astier filaient grand trot par les routes et les champs déserts du dimanche, dans un landau découvert, drapé de noir. Ses hauts laquais à cocarde, ses longs voiles de veuve en face de lui, rappelaient au jeune homme d'autres courses de ce genre. Il pensait, décidément, il y a toujours un mort dans mes affaires. En regrettant un peu le petit minois frisé, court, de collette de rosaine, d'un si rayonnant contraste dans tout ce noir. Fatiguée du voyage, épaissie par un deuil improvisé, la duchesse avait pour elle ses grandes façons, dont l'autre manquait absolument. Et puis, son mort n'était pas gênant à celle-là, bien trop franche pour grimacer les doléances auxquelles se croient obligés les vulgaires en pareil cas, même quand ce mari défunt a été détesté et trompé de mille façons. Sous la sonore talonnade des chevaux, la route se déroulait, montant, dévalant en pente molle, tantôt entre des petits bois de chênes ou de grandes plaines balayées de vols de corbeaux autour des meules espacées. Le ciel doux, pluvieux, comme abaissé, filtrait par de rares échancrures un soleil pâle. Et pour s'abriter du vent de leur course, une même couverture enserrait leurs genoux rapprochés, mêlés sous la fourrure, pendant qu'elle parlait de sa Corse, d'un merveilleux rochero, improvisé aux funérailles par sa femme de chambre. Mathéa ? Oui, Mathéa. C'est un grand poète, figurez-vous. Et elle citait quelques vers de la Vocératrice, dans ce fier patois corse qui allait bien à son contralto. Quant aux graves déterminations, pas un mot. C'était pourtant bien cela qui l'intéressait à lui, et bien autrement que les poésies de la chambrière. Ce serait pour le soir, sans doute. Et, tout bas, il l'égayait de la de Lannibois, de la droite façon dont il s'était débarrassé de l'académicien. « Pauvre petite Moser !» disait en riant la duchesse. « Il faut que son père soit nommé cette fois. Elle l'a bien gagné. » Puis ils ne jetèrent plus que quelques courtes phrases, voluptueusement rapprochées dans cette course berçante du landau, tandis que le jour baissait sur les champs obscurcis, laissant voir vers les hauts fourneaux des montées de flammes intermittentes, des battements d'éclairs à hauteur de ciel. Le retour fut malheureusement gâté par les cris, les chants avinés des bandes paysannes revenant de la frérie, s'empêtrant dans les roues comme des bestiaux, roulant au fossé d'où montaient des deux côtés de la route des ronflements, des bruits immondes, leur façon de prier pour le repos de l'âme du très haut et puissant seigneur et duc. dans leur tour habituel de galerie, appuyée contre son épaule entre les lourds piliers découpant le vague horizon, elle regardait la nuit, murmurait « qu'on est bien, tous deux, seuls », mais ne parlait toujours pas de ce que Paul attendait. Il essayait de l'y amener, et de tout près, dans les cheveux, l'informer de son hiver. Allait-elle retourner à Paris ? Oh non, certainement. Paris l'écœurait, et sa société menteuse, tout en masque et en trahison. Seulement, elle hésitait encore, s'enfermer à Mousseau ou partir pour un grand voyage en Syrie, en Palestine. Qu'en pensait-il ? Bien sûr, c'était là les graves déterminations à prendre ensemble. Un prétexte, en somme, pour le retenir. La femme absente s'effrayant à l'idée que s'il retournait à Paris, d'autres le lui enlèveraient. Paul, se jugeant mystifié, mordait ses lèvres. « Ah, c'est comme ça, ma fille. Eh bien, nous allons voir. » Lasse de son voyage et de sa journée de plein air, elle monta se coucher en se traînant, après une poignée de mains significatives, à laquelle répondait d'ordinaire un furtif et tendre à tout l'heure. Elle viendrait, il serait là, derrière la porte, à guetter son pas. Et quelle revanche alors aux contraintes de la journée! Toute une nuit d'ivresse, rien que dans un mot chuchoté. « À tout à l'heure !» Mais ce mot, Paul Astier, ce soir-là, ne le dit pas. Et, malgré sa déconvenue, elle voyait dans cette réserve un respect pour le deuil si proche, la chapelle encore tendue. Mais elle s'endormit en trouvant cela très distingué. Le lendemain, on ne se vit guère. La duchesse, en affaires, réglait les comptes de son maître d'hôtel, de ses fermiers, à la grande admiration du notaire maître Gobineau, qui disait à Paul, à déjeuner, avec une malice dans chaque pli de sa vieille figure tapée. « En voilà une à qui on ne fera pas voir le tour. Qu'en sait-il ? » Pensait le jeune chasseur à l'affût, tortillant sa barbe blonde. Pourtant, l'âpreté, le sang-froid que prenait ce beau contralto d'amour dans les discussions d'intérêt, l'avertissait qu'il faudrait jouer serré. Après déjeuner, des caisses arrivaient de Paris avec la première de Spricht et deux essayeuses. Enfin, vers 4 heures, descendue dans une merveille de costume qui la faisait toute jeune et mince, elle lui proposa une course à pied dans le parc. Ils marchaient, l'un près de l'autre, du même pas allègre, descendant les allées, évitant le bruit des grands râteaux dont les jardiniers, 3 fois par jour, luttaient contre la tombée des feuilles mourantes. Mais on avait beau faire, les chemins, une heure après, se recouvraient de nouveau de ce tapis d'Orient aux teintes riches, pourpre, vert, mordoré, où bruissait leur promenade sous les rayons d'un oblique soleil très doux. Elle lui parlait de ce mari dont elle avait tant souffert aux années de sa jeunesse, tenant beaucoup à lui faire comprendre qu'elle portait un deuil mondain, tout de convenance, et ne l'attristant pas jusqu'au cœur. Paul comprenait parfaitement et souriait, bien résolu dans sa tactique de froideur. Tout au bas du parc, ils s'assirent près d'un pavillon masqué d'érables, de troènes, qui abritait les verveuses et les rames de la petite flottille. Ils voyaient de là les pelouses en pente, les hautes et basses futaies éclairées et dorées par places, découvrant le château qui, la plupart des fenêtres closes, ses terrasses désertes, et dressant l'orgueil de ses lanternes et de ses tours, semblait grandi, rentré dans l'histoire. « Quel dommage de quitter tout cela !» dit-il dans un soupir. Elle le regarda, stupéfaite, le front orageux et contracté. Partir. Il voulait partir. Et pourquoi ? La vie, hélas, il faut bien nous séparer, et moi, et ce grand voyage que nous devions faire ensemble. Je vous laissais dire, mais est-ce qu'un pauvre artiste comme lui pouvait se payer un voyage en Palestine ? Des rêves, ceux-là, irréalisables. La Davier de Védrine, un bachot sur la Loire. Elle haussa ses belles épaules patriciennes. « Voyons, Paul, quel enfantillage! Est-ce que tout ce que j'ai n'est pas à vous ?»« À quel titre ?» se fut dit. Mais elle ne devinait pas encore où il allait en venir. Et lui, craignant d'être parti trop vite, « Oui, quel titre au jugement étroit du monde pour voyager avec vous ?»« Eh bien, restons à Mousseau !» Il s'inclina dans une douce ironie. « Votre architecte n'y a plus rien à faire. Bah, nous lui trouverons bien de l'ouvrage. Dussé-je mettre le feu au château cette nuit ?» Elle riait de son beau rire passionné, se serrait contre lui, prenait ses mains dont elle se caressait le visage. Des folies, mais pas le mot que Paul attendait, qu'il essayait de lui faire dire. Alors, lui, violemment, « Si vous m'aimez, Marie-Antonia, laissez-moi partir. J'ai mon existence à faire, et celle des miens. On ne me pardonnerait pas de l'accepter d'une femme qui n'est pas ma femme, qui ne le sera jamais. » Elle comprit, ferma les yeux comme devant l'abîme, et, dans le grand silence qui suivit, on entendait sous une brise les feuilles tomber dans tout le parc, les unes encore lourdes de sève, glissant par paquets, de branche en branche, d'autres furtives, impalpables, en frôlement de robes. Et tout autour du pavillon, sous les érables, on eût dit des pas, un piétinement de foule silencieuse qui rôdait. Elle se leva, frissonnante. « Il fait froid. Rentrons. Son sacrifice était fait. » Elle en mourrait sans doute, mais le monde ne verrait pas cet abaissement de la duchesse Padovani en Madame Paul Astier, épousant son architecte. Paul, tout le soir, s'occupa sans affectation de son départ, donna des ordres pour ses malles, des pourboires princiers au service, s'informa des heures de train, toujours libre de lui, causeur, sans parvenir à troubler la bouderie silencieuse de la belle Antonia, absorbée dans sa lecture d'une revue dont elle ne tournait pas les pages. Seulement, quand il lui fit ses adieux, ses remerciements pour sa longue et bonne hospitalité, il vit dans la lumière du vaste abat-jour de dentelle l'angoisse de ce fier visage, la grâce implorante de ses beaux yeux de fauve mourant. Dans sa chambre, le jeune homme s'assura que le verrou du fumoir était fermé, éteignit tout et attendit, immobile sur le divan près de la petite porte. Si elle ne venait pas, il s'était trompé, tout serait à refaire. Mais un léger bruit, la soie du peignoir dans le passage dérobé, et après la surprise de ne pas entrer tout droit, un coup effleuré du bout du doigt plutôt que frappé. Il ne bougea pas, résista même à une tousserie avertissante, l'entendit s'éloigner, le pas nerveux, en saccade. « Maintenant, pensa-t-il, elle est prise, j'en ferai ce que je voudrais. » Et il se coucha, tranquillement. « Si je m'appelais le prince Datis, seriez-vous devenu ma femme à l'expiration de votre deuil ? Pourtant Datis ne vous aimait pas, et Paul Astier vous aime, et, fier de son amour, aurait voulu le proclamer devant tous, au lieu de le cacher comme une honte. « Ah, Marianto, Marianto, quel beau rêve je viens de faire ! Adieu pour jamais. » Elle lut cette lettre, les yeux à peine ouverts, tout gros des larmes versées dans la nuit. « Monsieur Astier est-il parti ?» La chambrière qui se penchait pour attacher les persiennes voyait justement la voiture qui emportait Monsieur Paul tout au bout de l'avenue, trop loin déjà pour qu'on pût les rappeler. La duchesse sauta de son lit, courut à la pendule. « 9 heures !» L'express ne passait à 11h qu'à 10h. « Vite, un courrier ! Bartoli, le meilleur cheval !» En traversant les bois au raccourci, on arriverait avant la calèche. Pendant que les ordres se hâtaient, elle écrivait debout, presque nue. « Revenez, tout ira selon votre désir. » « Non, trop froid. Il ne viendrait pas pour si peu. » Ce billet déchiré, elle en faisait un autre. « Ta femme, ta maîtresse, ce qui te plaira, mais tienne, tienne !» signa « Duchesse Padovani ». Puis, tout à coup, s'affolant à l'idée qu'il ne reviendrait peut-être pas encore, « J'irai moi-même, mon Amazone, vite !» Et par la fenêtre, elle jetait à Bertoli, dans la bête piaffée devant l'escalier d'honneur, l'ordre de sceller pour elle « Mademoiselle Auger ». Depuis 5 ans, elle ne montait plus à cheval. L'habit craquait sous la taille épaissie, les agrafes manquaient. « Laisse, Mathéa, laisse !» Elle descendit l'escalier, la traîne au bras, entre les valets de pied hébétés, la face vide, se lançait à fond de train par l'avenue. La grille, la route, la voilà sous bois dans la fraîcheur des chemins verts, de longues avenues où des vols, des bonds s'effarent dans sa course effrénée. Elle le veut, il le lui faut, l'homme, l'amant, celui qui sait la faire toujours mourir, toujours renaître. Maintenant qu'elle connaît l'amour, y a-t-il autre chose au monde ? Épanchée, elle guette le train, ce bruit de vapeur qui rase tous les horizons de campagne. Pourvu qu'elle arrive à temps, pauvre folle, irait-elle au pas qu'elle le rattraperait encore, ce joli fuyard, puisqu'il est son mauvais destin, celui qu'on n'évite pas. Fin de la section 29. Lue par Laurie.